Souviens-toi de ce matin d'été où nous nous sommes rencontrés. Nous étions tous les deux sur cette plage. Et je ne savais plus rien faire. Tu étais assis là dans un coin. Je n'ai rien su dire. Si je respire ces fleurs, c'est parce qu'elles sentent comme toi. Si j'aime tant le ciel, c'est qu'il m'éclaire comme toi. Nous avons su acheter des glaces. Ce n'était pas dommage. Ton sourire me rappelait la petitesse de notre existence. Car tu le sais, mon amour, nous sommes bien peu de choses, sœur. Oh, si peu de choses. Si je chante ces choses, c'est parce qu'elles sont en moi. Si j'aime tant les poutres, c'est parce qu'elles sont en bois.